Le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a publié le 5 mai un entretien contre Pak Kone qui parle à chaque occasion d'amener l'honneur à la dénucléarisation à l'aide de la sécurité solide et de la puissante sanction. Pak Kone a instigé ses hommes à prétendre absurdement qu'il faut trouver une certaine méthode de solution créatrice consistant à ne faire reconnaître que l'abandon nucléaire est la seule issue évidente en se rendant compte que la sanction et la pression, la menace et les avertissements ont leurs limites. Pire, il braille témérairement que l'historique 7e congrès du Parti du Travail de Corée sera un rendez-vous pour faire reconnaître et déclarer la détention nucléaire. Si la bande de Pak Kone veut vraiment trouver la solution créatrice du problème nucléaire de la péninsule coréenne, il faut primo apprendre de nouveau depuis l'origine du problème nucléaire dans la péninsule coréenne. Secondo, savoir correctement la raison de notre détention nucléaire. Tertio, penser à négocier avec nous, sachant que notre position de détenteur nucléaire, qui possède même la bombe à hydrogène, ne peut en aucun cas changer malgré la reconnaissance ou non des autres pays. Quarto, trouver la solution au jugement sévère devant l'opinion publique en abandonnant la politique d'hostilité américaine envers notre pays et la politique de confrontation fratricide qui s'ensuit. La solution créatrice la plus réaliste pour l'abandon nucléaire du Nord, c'est la suppression une fois pour toutes de l'existence banditiste américaine qui s'adonne au diktat et despotisme avec les armes nucléaires. Si Pak Kone veut ajourner le membre du monde la ruine pitoyable imminente, elle doit voir correctement la réalité et ne plus critiquer notre dissuasion nucléaire, arme commune de la nation.